Avance rapide 2 de Tanguy Vielle. Péplum. Mon père m'a dit l'autre jour, avec sa voix bien à lui, il m'a dit: mon fils, il est temps que je te montre du vrai cinéma. Et puis il a ajouté avec sa voix bien à lui: il est temps, mon fils, que tu vois un péplum. Il faut bien dire que je n'avais jamais entendu ce mot-là avant, péplum. Et que dans mon souvenir, jamais à l'école, ni dans la cour de récréation, ni dans les salles de classe, personne n'a jamais prononcé ce mot-là. Bon, il faut bien dire aussi que nous autres, les enfants de l'an 2000, on ne regarde plus trop des vieux films comme ça, parce que les péplums sont plutôt des vieux films. En général, plutôt jaunis et plutôt poussiéreux, et qui en plus ne se passent pas du tout à notre époque, mais plutôt dans l'Antiquité. Sauf que mon père, lui, passe son temps à regarder des péplums, et que donc il avait décidé qu'il fallait que j'en voie un. Un film qui se passe avant Jésus-Christ. Ou alors juste à l'époque de Jésus-Christ. Ou alors juste après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, parfois, avec Jésus-Christ lui-même. Bon. Donc, je vais vous raconter un péplum, et comme ça, surtout, vous n'aurez plus jamais besoin d'en voir. Au début d'un péplum, après le générique plein de violons et de trompettes qui pleurent dans tous les sens, au début, en général, il y a un type très musclé, avec les yeux très bleus, qui est en train de ramer dans la cale d'un navire romain. On appelle ça une galère. Et il rame dans la cale un peu comme un esclave. D'ailleurs, en général, c'est un esclave. Et c'est pour ça que le contremaître qui circule entre les galériens avec son fouet à la main n'oublie jamais de dire: rame, esclave, et plus vite que ça, sinon tu serviras de pâture au lion pour les prochains jeux du cirque. Et normalement, c'est là aussi que le contremaître éclate d'un rire très long, comme ça. Et puis qui s'arrête net, comme ça. Alors l'homme très musclé, avec les yeux très bleus, serre les dents pour ne pas s'énerver. Et on a mal pour lui parce qu'il souffre et transpire terriblement. C'est surtout mon père devant la télé qui a l'air de transpirer et d'avoir mal pour lui. Mon père m'a dit à ce moment-là, il m'a dit: à ton avis, petit? Oui, parce que mon père m'appelle toujours petit. Qu'allait-il faire dans cette galère? Et après, il m'a expliqué, mon père, que c'est parce que c'est le héros du film. Et je vais te dire pourquoi c'est le héros du film. C'est à cause de ses yeux très bleus. Trop bleus pour être ceux d'un personnage secondaire, tu comprends? Ouais. Et là, en fait, il a été fait prisonnier par l'empereur tout-puissant qui règne sur la Mésopotamie et sur l'Égypte et sur la Palestine et sur la Syrie et sur la Jordanie et la Perse et la Mauritanie et la Sicile. Et qui aimerait bien aussi régner sur la Mongolie, sur la Scandinavie, sur la Belgique et aussi peut-être sur l'Amérique. Sauf qu'à cette époque-là, il ne connaissait pas l'Amérique. Ah bon? Il ne savait même pas que ça existait. Et même, il croyait que la Terre était plate et qu'au bout de l'océan, à l'horizon, on tombait dans le vide. Ce qui est bien avec le péplum, même si le film est nul, c'est qu'on apprend plein de choses sur l'histoire et sur la géographie. Et aussi sur mon père, qui sait plein de choses sur l'histoire et sur la géographie. Sauf que je ne savais pas que c'était à force de regarder des vieux films aussi nuls qu'ils savaient autant de choses. Mais tais-toi donc, si tu continues à parler comme ça, tu ne vas rien comprendre à la suite du film. La suite, c'est quand la grande galère vogue sur l'océan et que le héros aux yeux bleus se prend encore un coup de fouet et que ça commence à l'énerver, cette situation. Tellement l'énerver que cette fois, il décide que ça suffit. Alors là, cette fois, oui, hein, il va se révolter, en direct sous nos yeux, contre le garde-chiourme qui continue de rire un peu trop fort, comme ça. Ramez, bande d'esclaves, souquez ferme! Alors le héros se lève de son siège, et malgré les chaînes qu'il a aux pieds, il se met à se battre avec le contremaître, au point qu'il entraîne tout l'équipage des esclaves avec lui, pour qu'ils se battent comme des lions, avec les rames pour seule arme et les boulets aux pieds qui les empêchent de marcher. C'est là que le film commence vraiment. Quand le héros... Oui, parce que cette fois, c'est sûr que c'est lui. Parce qu'il a aussi beaucoup d'huile sur les bras pour faire briller ses muscles. Donc, quand le héros tue le contremaître et s'enfuit avec les autres esclaves sur un grand radeau de survie. Bon, il en est là, le héros, en pleine mer. Mais comme c'est un peu long et qu'on ne va quand même pas le regarder ramer pendant une heure, pendant ce temps, nous, les spectateurs, enfin je veux dire mon père et moi assis sur le canapé du salon, on se retrouve dans le palais de la reine pour faire connaissance avec les autres personnages du film. Et notamment avec celui qui avait réussi à capturer le héros avant le début du film et qui est le gouverneur de la région. Tu sais, petit... Hein ? Les gouverneurs sont toujours des petits hommes fourbes, très ambitieux, qui aiment l'argent, le luxe et le pouvoir, et qui ont des bagues à chaque doigt. Et ils adorent se mettre à genoux devant la reine en espérant qu'elle va parler d'eux à l'empereur. Mais en fait, ils voudraient être calife à la place du calife. Et ils préparent toujours un complot pour assassiner l'empereur. Mais ça, la reine n'en sait rien, puisque le gouverneur n'arrête pas de lui dire « Oh, ma reine, si belle et si intelligente !» Puissiez-vous régner éternellement sur l'Empire, je serai pour toujours à votre service et au service de Sa Majesté l'Empereur. La reine, elle, s'appelle souvent Cléopâtre et elle a un grand nez. Elle a surtout les yeux très maquillés. Oui, je suis comme ça. Je me maquille tous les matins avec du noir très noir, qu'on fabrique exprès pour moi avec des fourmis écrasées et du rouge à lèvres qu'on me prépare avec du jus de groseille. Et je soupire beaucoup dans mon palais, comme s'il me manquait quelque chose dans la vie. Alors que j'ai les tout, des esclaves, des vêtements de luxe, un palais gigantesque, et bien sûr, ce vilain gouverneur avec ses bagues aux doigts qui n'arrête pas de me dire que je suis la plus grande reine qu'il ait jamais connue. Et pour cause, vu que c'est la seule qu'il connaît. Mais donc, malgré tout ça, à la reine, il lui manque quelque chose. Et nous, bien sûr, on sait ce qu'il lui manque. A dit mon père. Ben oui, j'ai dit. Il lui manque l'homme aux yeux bleus. Bravo, petit. A dit mon père. Sauf qu'en vrai, elle ne peut pas savoir que c'est lui, l'amour de sa vie, puisqu'elle ne le connaît pas encore. Et qu'en plus, alors qu'il est, il est en train de ramer comme un forçat sur la Méditerranée. Ben, ça se passe toujours en Méditerranée, les péplums. Jamais en Bretagne. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en Bretagne, il pleut, et que dans les péplums, il ne pleut jamais. Il fait toujours très chaud, avec beaucoup de poussière et du désert partout, et des hommes torse nus, parfumés à l'huile d'olive, qui se promènent dans les rues. Mais j'en étais où ? Ah, oui, donc. Le gouverneur ne sait pas qu'il va bientôt voir débarquer son vieil ennemi dans la ville, et que peut-être à cause de lui, son complot contre l'empereur va échouer. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il faut suivre au moins deux histoires à la fois. D'une part, le héros qui veut libérer son peuple esclave, et d'autre part, le vil comploteur qui prépare l'assassinat de l'empereur. Et tu oublies l'histoire d'amour. Et quelle histoire d'amour, papa ? Celle qui va forcément se nouer entre le héros et la reine quand ils vont se rencontrer, bien que ce soit très difficile pour lui de rencontrer la reine, vu qu'il y a des milliers de gardes en cuirasse dorée devant le palais, et qu'en plus, quand elle se déplace, la reine, c'est sur un char de 20 mètres de haut, sans parler des trompettes qui se mettent à sonner sur son passage. Alors, même s'il voulait lui parler, le héros, elle ne l'entendrait pas. C'est tellement difficile pour lui de rencontrer la reine qu'il faut qu'il trouve une idée. Mais comme c'est un monsieur intelligent, tu vas voir qu'il va en trouver une, d'idée. Mais d'abord, il faut qu'il aille rendre visite à sa mère, qui est très pauvre et qui vit toute seule. Je ne sais pas pourquoi, dans les péplums, il faut toujours que le héros aille voir sa mère, qui est toujours très pauvre et très seule. Ça, c'est vrai. C'est vrai que ça ne sert à rien pour l'histoire, mais qu'est-ce que tu veux, ça lui fait plaisir au héros. Et dès qu'il arrive chez elle, il lui dit... Mère. Oui, parce qu'ils ne disent pas maman ou papa. Dans un péplum, ils disent père ou mère. Mère. Donc ? Mère, je reviendrai, mais avant je dois accomplir mon destin très dangereux. Mon fils ! Pleure déjà la mère. Mère, je t'en prie, ne pleure pas. Je dois rencontrer la reine pour demander la grâce de mon peuple et empêcher le vil gouverneur de prendre le pouvoir. Sans quoi, nous serons tous des esclaves, à jamais. Mais comment vas-tu faire ? Pleurniche la mère. C'est là qu'on découvre son idée. Quand il dit à sa mère... Eh bien, je vais participer au prochain jeu du cirque. Mon Dieu, non, pas ça ! Hurle la mère. Si. Dit le héros. Voilà, c'est ça son idée pour rencontrer la reine. De participer au jeu du cirque, et notamment à la grande course de chars qui se déroulera devant la tribune impériale, devant la reine, et aussi le gouverneur horrible qui continue de flatter la reine. Bon, alors pour ça, ça vaut le coup de regarder un péplum. Pour la grande course de chars. Et mon père, dans le canapé, il m'a dit... Accroche-toi, petit, il va y avoir de l'action. Ouais, ça c'est vrai qu'il va y avoir de l'action. Parce que le gouverneur, quand il apprend que le héros va participer? Il engage des mercenaires pour essayer de le tuer pendant la course. Donc on sait que ça va chauffer, mais lui aussi le sait. Et c'est pour ça que sur la ligne de départ, un peu comme sur un Grand Prix de Formule 1, ils sont tous très tendus et ils se soutiennent du regard. Et en même temps, ils essayent de retenir leurs chevaux en attendant le signal. Et en plus, il y a la reine dans les tribunes et le vilain gouverneur assis à côté d'elle. Et puis d'un coup, c'est parti. On lâche les chevaux. Ah, cette fois, oui, c'est vraiment parti. Mais à peine ils ont démarré, à peine la première ligne droite avalée, le héros se fait tout de suite enfermer à la corde et se retrouve dernier. Parce qu'on dirait qu'ils se sont tous ligués contre lui. Ce qui est vrai. En même temps, comme ça, on a encore plus envie qu'il gagne, vu que tout le monde est ligué contre lui, et vu aussi qu'on sait très bien qu'il va gagner quand même. Alors déjà, mon père, sur le canapé, il ne tient plus en place. En général, à ce moment-là, il est déjà debout dans le salon. Et il s'approche de la télé et il crie « Vas-y ! Vas-y ! Tu les auras, tous !» Et c'est comme si le héros, sur son char, il entendait mon père. Parce qu'alors, il se met à accélérer et il commence à les passer par l'extérieur. Parce que bien sûr, il a les meilleurs chevaux et bien sûr, c'est le meilleur conducteur de char de tout l'Empire. Et puis parce que je me demande aussi si quand même, il n'entend pas mon père qui se met devant l'écran et qui continue de crier. « Vas-y ! Vas-y, double ! Double ! Là ! Maintenant ! Alors moi, forcément, j'ai dit à mon père, « Pousse-toi, papa, je vois plus rien, t'es devant l'écran. Et en plus, tu connais déjà le film. Et en plus, tout le monde sait qu'il va gagner, ton héros. » Sauf que les autres concurrents ne l'entendent pas de cette oreille. Notamment, il y en a un qui a trafiqué son char. Il a mis des pics d'acier sur ses roues. Et comme ça, quand l'autre passera à côté de lui pour le doubler, il va scier les rayons des roues et faire tomber le héros. Et c'est ce qui arrive. Quand le héros va pour dépasser le méchant, disons le plus méchant des méchants, il se rapproche tellement que la pointe en fer se prend dans les rayons, casse la roue et le fait tomber sur le sable de l'arène. Alors l'autre, là, le méchant, en continuant sa route, il regarde vers le gouverneur dans la tribune et il a un petit sourire mesquin pour dire « Mission accomplie !» Et il s'en va pour gagner la course. Seulement lui, le héros, allongé dans le sable, il continue quand même de tenir les rênes et les chevaux continuent de courir. Et donc, il commence à le traîner sur le sable avec le char qui roule sur une seule roue. Et puis, toujours derrière lui, il mord la poussière et il essaye de remonter sur le char pour continuer la course. Alors qu'il est écorché et partout, il a du sable dans la bouche et... Parce que c'est son destin, a dit mon père. C'est pour ça que c'est beau. Parce qu'il va au bout de lui-même, tu vois. C'est pour ça que c'est un vrai héros qui souffre et mérite de gagner. Et effectivement, on ne sait pas trop comment. Toujours est-il qu'à un moment, quand mon père s'est enlevé de devant l'écran, j'ai vu qu'il était remonté sur son char, le héros, avec le sang qui coulait le long de sa cuirasse de bronze. Et à partir de là, c'était clair qu'il ne pouvait plus rien lui arriver. C'était clair qu'il allait passer devant le méchant à toute allure, sans même le regarder, et puis franchir la ligne d'arrivée sous les hurrahs du public. Oui, oui, parce que le public est toujours avec le héros. Vu que le héros, c'est toujours le plus faible qui est en train de devenir le plus fort. Alors comme ça, tout le monde se dit que ça peut lui arriver un jour d'être le plus fort. Ce qui est complètement stupide, j'ai pensé. Mais je ne l'ai pas dit. Parce que mon père n'aurait pas aimé du tout. Parce que mon père aussi rêve d'être le plus fort un jour. Sauf que je ne crois pas que ça arrivera. Vu que mon père, en fait, il n'est pas du tout fort. Et ça, je le sais. Parce qu'à la fin du film, quand il y a le héros qui se présente devant la reine sous la tribune impériale, juste là, j'ai bien vu que mon père, il tournait un peu la tête pour pas que je le voie. Mais j'ai bien vu, en fait, qu'il avait des larmes dans les yeux. Oui, comme une petite fille qui se retient de pleurer. Parce qu'il est très ému que la reine rencontre enfin le héros aux yeux bleus, surtout quand elle lui parle. Grâce à toi, ô grand vainqueur aux yeux bleus, ton peuple sera libre à jamais. Quant à toi. Et là, elle s'adresse au vilain gouverneur. Je te ferai manger par les lions. Oh oui, ma reine. Et là, mon père, il n'arrive plus à se retenir de pleurer. Avec les violons et les trompettes du générique de fin qui reprennent de plus belle et qu'il y a écrit « The End » en très gros sur l'écran. Alors mon père reprend sa tête de père et avec sa voix bien à lui, il dit « Bon, allez petit, dépêche-toi. Il est l'heure d'aller te coucher. D'aventure. Je suis peut-être une fille, mais je regarde très souvent des films d'aventure. Très, très, très souvent. Je suis peut-être une fille, mais ça ne m'empêche pas d'être une aventurière dans ma tête. Et je peux vous dire que mes poupées et tout ça, elles ne vivent pas dans des châteaux avec des robes de princesse, non. Elles vivent dans la jungle, au milieu des serpents venimeux et des mygales hyper dangereuses. C'est pour ça que je préfère les films d'aventure. Même si je n'aime jamais le début. Je n'aime pas le début, parce que j'ai remarqué que les films d'aventure ne commencent jamais comme des films d'aventure. Jamais comme sur l'affiche, où on voit toujours l'aventurier avec son sabre devant les pyramides d'Égypte ou bien en train de monter en haut du mât sur un bateau de pirates. Non, ça ne commence pas du tout comme ça. Au contraire, ça commence toujours dans un endroit très tranquille. Par exemple, dans une petite maison américaine ou par exemple dans une salle de classe. Et j'ai remarqué aussi que l'aventurier, c'est toujours un garçon et jamais une fille. Et ça, j'aime pas beaucoup non plus. Mais c'est normal, m'a dit mon frère qui est pourtant plus petit que moi. C'est normal parce que les filles, ça aime pas les aventures. Ouais, c'est ce qu'on va voir, tiens, si les filles aiment pas les aventures. Et en général, je lui mets une claque à mon frère, dès le générique du film. Ouais, tu verras quand je serai grand. En tout cas, au début, j'ai dit à mon frère qui pleurnichait, « Eh bien, l'aventurier, il ne ressemble pas du tout à un aventurier. Au début, c'est plutôt le contraire, avec un costume, des petites lunettes et des chaussures bien cirées. Pas de chapeau sur la tête, pas de hache à la ceinture, pas de chaussures pleines de boue. Franchement, on se demande comment il va faire pour partir dans les pires endroits du monde chercher les statuettes magiques qui contiennent le secret de l'origine de l'univers. Parce que c'est toujours comme ça qu'il fait l'aventurier. Il va chercher la chose la plus introuvable du monde et donc pour ça, il a besoin d'un costume d'aventurier, j'ai dit à mon petit frère. C'est parce que t'es une fille, alors tu peux pas comprendre. Il commence à m'énerver, mon petit frère. Donc au début, même s'il ne ressemble en rien à un aventurier, il y a quelqu'un comme le chef d'une organisation très importante qui le convoque dans son bureau et qui lui dit... Agent 28033XBW47F. C'est son nom de code. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour vous confier la mission secrète la plus hyper importante de toute la Terre. Que même personne n'a jamais fait quelque chose d'aussi secret et d'aussi dangereux. Et que ce message s'auto-détruira dans 5 secondes. En gros, c'est comme ça. Et moi, évidemment, je me demande toujours pourquoi le chef hyper secret lui demande ça à lui, l'agent 28033XBW47F, alors qu'il n'a toujours pas du tout la tête d'un aventurier, mais toujours des cheveux avec une raie sur le côté et des petites lunettes rondes. Waouh ! Ça, c'est un aventurier. Si t'appelles ça un aventurier, je peux te dire que si c'était une fille, ça fait longtemps qu'elle serait dans l'avion pour l'autre bout du monde. Si c'était une fille, à mon avis, ben, il n'y aurait pas de film. Vu que ça n'existe pas, les films d'aventure avec une fille. Sauf celle qui va tomber amoureuse de lui, bien sûr. Ouais, bah justement, ça me plaît pas beaucoup. Parce que ça, c'est vrai que forcément, il y a une fille qui va tomber bêtement amoureuse du héros. C'est quand même seulement pour ça qu'elle va l'accompagner, juste pour faire la potiche à côté de lui, à cause de l'histoire d'amour qui ne sert à rien, mais qu'il est obligé de vivre avec elle. Et c'est toujours la même chose, une fille très jolie qui se trouve embarquée contre son gré et qui déteste l'aventurier parce qu'il est trop crotté et trop macho et parce qu'il est capable de manger du crocodile cru et que ça, elle, comme c'est une fille, ça la dégoûte. Et moi pourtant je suis une fille et ça ne me dégoûte pas du tout le crocodile cru. J'attends seulement d'avoir 18 ans pour en manger. Ah, sauf qu'à la fin, elle est bien contente quand il la sauve d'une morsure de serpent en ayant le courage de prendre la bête par le cou. Ah, parce que tu crois que moi, je serais pas capable de prendre un serpent par le cou? Et mon petit frère a éclaté de rire. Et j'ai préféré ne rien dire pour ne pas le taper, vu que si je le tape encore, je vais lui faire très très mal. Donc, pour faire un vrai aventurier, qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa valise? Un chapeau à large bord. Une ceinture en cuir. Des grosses chaussures de marche. Il a même toute une collection de bermudas et de petites chemises légères. Parce que souvent là-bas, il fait très chaud. C'est souvent très tropical, là où il va. Et très désertique aussi, avec des animaux qu'on ne trouve normalement que dans le dictionnaire. Mais lui, il va les rencontrer en vrai. Et même, il connaît le nom de l'animal en latin. Par exemple, au lieu de dire comme tout le monde le mot tigre ou le mot araignée, il dit... Ça, c'est un Felinus africanus tigrae. Ou... Et ça, c'est une Arachneis tarantulae mortalis. C'est pourquoi, par précaution, il a aussi un pistolet qu'il pose par-dessus ses bermudas dans la valise, à côté de la trousse de médicaments qui va sûrement lui servir à soigner la fille qui va l'accompagner pour rien, sauf pour se faire mordre par un serpent. Oui, mais en même temps... M'a expliqué pas mon frère, il est trop petit pour ça, mais un garçon à l'école. S'il n'y avait pas une fille très belle, on ne voit pas pourquoi l'aventurier prendrait autant de risques. Même s'il essaye de faire croire que c'est par passion pour les aventures, par amour du danger, alors qu'en fait, c'est uniquement pour la séduire, elle, eh oui... Sauf qu'elle, c'est une râleuse qui déteste les aventures, qui a toujours une robe fragile et un ongle cassé et toujours des chaussures à talons, même en plein désert. Alors moi, je le dis en tant que fille, si j'étais lui, je lui mettrais des claques à la fille, parce que ça, pour moi, elle, c'est pas une vraie fille. Mais enfin, Odile, c'est comme ça depuis toujours dans les films d'aventure. Oui, il paraît même qu'un aventurier qui n'aspire pas au repos avec la femme la plus râleuse du monde, ça n'est pas un vrai aventurier. Et d'ailleurs, il y a toujours un moment dans le film, juste après qu'il a réussi à échapper à une tentative d'assassinat, par exemple dans le souk de Marrakech, il y a toujours un moment où enfin il peut se retrouver seul avec elle, par exemple dans une grotte derrière une cascade, avec une bougie qu'on ne sait même pas où il l'a trouvée. En tout cas, il se retrouve assez tranquille avec la fille pour lui dire qu'en vrai, il en a marre d'être un aventurier. Alors il se met à lui parler doucement et il lui dit... Tu sais, moi, tout ce dont je rêve... C'est d'avoir une maison dans une grande prairie verdoyante, avec des chevaux qui courent dans le soleil. Et puis... En général, là, il s'arrête au moins une seconde. Et puis, je crois que j'aimerais avoir des enfants. Et nous, on comprend tout de suite qu'il voudrait des enfants avec elle, Marion. Parce qu'elle s'appelle toujours Marion, la fille, dans les films d'aventure. Sauf qu'il ne lui dit pas que c'est avec elle qu'il voudrait des enfants, et que là, maintenant, à la lumière de la bougie, il voudrait l'embrasser. Il est trop fier pour ça, ou trop timide. Alors, il regarde dans le vide pour faire croire qu'il ne s'intéresse pas à elle. Et le pire, c'est que moins il s'intéresse à elle, et plus elle est en train de tomber amoureuse de lui. Je déteste cette scène, parce que ça fait perdre du temps à tout le monde pour les aventures. Le pire, c'est qu'il croit qu'il a trouvé une méthode efficace pour séduire les filles. Et d'ailleurs, j'ai bien vu que mon petit frère était très intéressé par cette scène, et tous les garçons de l'école aussi. On dirait qu'ils ont tous vu la scène au moins 20 fois, parce que dès qu'ils veulent m'aborder, ils font semblant de regarder dans le vide en me parlant d'une grande maison avec des chevaux et des enfants. Sauf que ça marche pas. Mais alors pas du tout. Ni avec moi, ni avec Jessica, ni avec Léa, ni avec Stéphanie, ni même avec Camille. Nous, les filles, ce qu'on veut, c'est des aventures en vrai, pas des aventuriers à la retraite. Alors moi, aux garçons, je suis obligée de leur expliquer que c'est dommage qu'ils veulent une grande maison avec des chevaux et des enfants qui courent partout, parce que moi, ce que je veux, c'est exactement le contraire. Ce que je veux, c'est partir en Égypte, ouvrir le sarcophage de Toutankhamon et déchiffrer les hiéroglyphes. Très important, ça, de savoir lire les hiéroglyphes. Les aventuriers savent tous parfaitement lire les hiéroglyphes et les vieilles écritures sur les papyrus et les parchemins et même les signes taillés dans la pierre. Ils connaissent le grec. Pokémon, Acropole, Thalidomides. Et l'arabe. Oulad, salam alaikum, malakoum, salad. Et l'hébreu. Ava faire les courses à Brest, Arachneset. Et le chinois. Ricantonné, sauce piquante 14. Et le russe. Peuf sur le toit morosol, Kremlin, vodka et désespéré. Et même l'araméen. Et donc l'aventurier dans le film. Il lit les hiéroglyphes pour découvrir le secret de l'emplacement des statuettes magiques qui contiennent un secret sur l'emplacement du secret de l'univers. Quelque chose comme... Homme blanc qui lit ceci, marche contre le soleil depuis l'aube jusqu'au zénith. Alors, à l'ombre du palmier qui abrite le vieillard, tu verras la poussière d'or qui t'ouvrira les yeux. Ou quelque chose dans le même genre, de sorte qu'on n'y comprend rien même en français. Sauf lui, l'aventurier, à se demander s'il n'est pas venu lui-même mettre l'inscription la veille juste pour impressionner Marion. Mais j'avais dit que je ne parlerais pas de Marion. À cause de Marion, j'oublie de parler des méchants qui poursuivent le même trésor hyper secret que l'aventurier, sauf qu'ils sont un peu plus bêtes que lui et qu'ils ne savent pas lire les hiéroglyphes. Et notamment à l'entrée de la pyramide, il y a un abo tout vilain caché dans l'angle qui écoute tout le message secret en se frottant les mains et en faisant... J'en connais un qui ne sera pas le premier à l'ombre du palmier. Et il ajoute... Si seulement il y arrive un jour. Là, l'aventurier sursaute et dit à Marion... Tu as entendu ? Elle. Non, l'aventurier. Un bruit, là. Nous ne sommes pas seuls. Marion. Agent 28-0-33-XBW-47-F, sauve-moi, j'ai peur. Et ils s'embrassent pour la première fois, très vite, parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps, et nous non plus. Je veux dire, on n'a pas que ça à faire que de les regarder s'embrasser. Et c'est quand même pas pour ça que j'ai loué un DVD de film d'aventure et quand même payé 4,70€. Non, c'est pas pour voir une histoire aussi nulle. Je veux de l'action et des vraies bagarres, moi, et du sable dans les yeux. Et hop, ils sautent dans un avion. Et hop, ils décollent. Et hop, ils atterrissent à l'ombre du palmier. Mais évidemment, le nabo est déjà passé par là. Et le vieillard qui connaît l'emplacement des statuettes magiques est allongé sur le sol très mal en point. On croirait même qu'il est mort. Mais en fait, il n'est pas complètement mort. Du moins pas encore, parce qu'il faut d'abord qu'il puisse parler à l'aventurier une dernière fois. Il faut qu'il réouvre les yeux alors qu'on croyait qu'il était mort et que l'aventurier lui dise... Parle, vieillard, je t'écoute. Où est le trésor hyper secret caché depuis des millénaires ? Et le vieillard qui se meurt dit... La clé se trouve au fond du... Et il ferme les yeux. Attention, parce que là c'est le seul moment du film où l'aventurier a le droit de dire un gros mot. Parce qu'il est vraiment très contrarié. Et il dit quelque chose comme... Putain, merde, fais chier! Et après, il se calme. Et il s'excuse devant Marion. Oh, pardon, Marion. Comme si les filles n'aimaient pas les gros mots. Comme si elles n'en disaient jamais. Moi aussi, je peux en dire. J'en connais des dizaines, par exemple. Non, s'il te plaît. Sinon, on va rien voir de la fin du film. Bon, d'accord. Mais tu dis plus jamais que les filles ne sont pas des aventurières. Ouais, bon, d'accord. Alors, à la fin du film, bon, je raccourcis un peu. Parce que de toute façon, on la connaît, la fin. À la fin, l'aventurier se bat très fort avec les méchants, et même Marion se bat un peu, et elle lance ses chaussures à talons dans le visage du vilain nabo. Pendant que l'aventurier trouve enfin les statuettes magiques. Et hop, on reprend l'avion, on traverse l'océan, on atterrit, on s'embrasse, et finalement... Mais je vous préviens, j'aime pas du tout la fin des films d'aventure. Finalement, on les retrouve 10 ans plus tard, dans une prairie, avec des chevaux et des enfants. C'était Avance Rapide 2 de Tanguy Vielle. Enregistré en public au Quartz de Brest avec Odile Cohen, Jean-Paul Comard et Rémi Goutalier. Et la participation des élèves de terminale de la section théâtre du lycée Jean Moulin de Châteaulin, Emeline Laridon, Tom Letellier, Erwin Krauyer et Lokman Kantar. Bruitage. Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage. Claire Levasseur et Sébastien Royer. Assistante de réalisation, Julie Béressy. Réalisation, Myron Merson. Cette émission a été enregistrée en public le 4 décembre 2009 au Quartz de Brest, dans le cadre du festival Longueur d'onde, avec le soutien du CDDP du Finistère et le partenariat avec la SACD.